Le livre des bêtes, traduit du russe par Léon Gottschmann et Ernest Jaubert. Comment j'appris à monter à cheval, par Léon Tolstoï. Quand j'étais petit, nous travaillions toute la semaine, mes frères et moi, mais les dimanches et les fêtes, nous allions nous promener et jouer ensemble. Un jour, notre papa dit « Il faut apprendre aux aînés à monter à cheval, les envoyer au manège ». J'étais le plus petit de tous et je demandais « Et moi, ne peut-on me l'apprendre aussi ?»« Toi, tu tomberais, » répondit papa. Je me mis à le supplier, j'étais sur le point de fondre en larmes. « Eh bien, » fit-il, « toi aussi, mais prends bien garde seulement. Si tu tombes, ne va pas pleurer. Qui ne tombe jamais de cheval n'apprendra jamais à monter. » Quand vint le mercredi, on nous mena tous les trois au manège. Nous gravîmes un grand perron, puis un petit, et du petit perron, nous aperçûmes une salle haute et large, avec du sable, au lieu de plancher. Dans cette salle chevauchaient des messieurs, des dames, des garçonnets comme nous. C'était le manège. Il n'y faisait pas très clair, dans ce manège, ça sentait le cheval. On n'entendait que claquement de fouet, cris des cavaliers à leur monture, bruit de sabots heurtant les barrières de bois. Je commençais par avoir peur et ne pus rien regarder tout d'abord. Puis notre diadéca appela l'écuyer et lui dit « Voilà, donnez des chevaux à ces garçonnets, ils vont apprendre à monter. »« Bien, » répondit l'écuyer. Puis me regardant, « Celui-ci est encore trop petit, » fit-il. Mais le diadéca intervint, « Il a promis de ne pas pleurer lorsqu'il tomberait, » dit-il. L'écuyer se mit à rire et partit. Bientôt, on amena trois chevaux sellés. Après avoir ôté son manteau, nous prîmes l'escalier qui descendait au manège. L'écuyer tenait l'animal par la longe, et mes frères chevauchaient autour de la piste. Ils allèrent d'abord au pas, puis au trot. On fit venir ensuite un petit cheval, un alezan, à la queue coupée court. Il s'appelait Tchervonchik. L'écuyer se mit à rire et me dit « Eh bien, cavalier, montez !» J'étais à la fois joyeux et inquiet, et je voulais faire en sorte que nul ne s'aperçût de mon inquiétude. Longtemps, j'essayais de mettre le pied dans l'étrier, mais je n'y pus réussir d'aucune façon parce que j'étais trop petit. Alors, l'écuyer me souleva par les bras et m'assit en disant « Le barine n'est pas lourd ». Il me tint d'abord le bras, mais, ayant remarqué qu'on n'avait point tenu mes frères, je le priais de me lâcher. « Vous n'avez donc pas peur ?» me dit-il. « Certes, j'avais très peur, mais je répondis « Pas du tout ». Ce qui m'épouvantait le plus, c'était que Tchervonchik dressait à tout moment l'oreille. Je le croyais fâché contre moi. « Soit, me dit l'écuyer, mais prenez garde, ne tombez pas. » Et il me lâcha. Tout d'abord, Tchervonchik allait au pas, et je me tenais droit. Mais la selle oscillait, et j'avais peur de glisser. « Eh bien, me demanda l'écuyer, vous sentez-vous ferme ?»« Je me sens ferme, répondis-je. « Eh bien, maintenant au trot !» Et l'écuyer fit claquer sa langue. Tchervonchik prit le petit trot. Moi, je commençais à glisser, mais je n'en disais rien et m'efforçais de ne pas rouler sur le côté. L'écuyer me félicita. « Ça, cavalier, voilà qui est bien !» Ce dont je n'étais pas médiocrement fier. Juste à ce moment, l'écuyer fut accosté par un de ses camarades. Il se mit à causer avec lui et cessa de me surveiller. Tout à coup, je sentis que je perdais l'équilibre, je voulus me remettre en selle, vains efforts, j'allais crier à l'écuyer d'arrêter, mais je pensais qu'il serait honteux à moi d'agir ainsi, et je me tus. L'écuyer ne me voyait pas. Tchervonchik trottait toujours, et toujours je me sentais glisser davantage sur le côté. Je regardais l'écuyer dans l'espoir qu'il allait venir à mon aide. Mais il continuait à causer avec son camarade et, sans me voir, répétait de temps en temps « Est-il assez brave, ce cavalier ?» J'étais tout à fait penché. L'épouvante me prit, je me crus perdu, mais criai « Quelle honte !» Tchervonchik, d'une dernière secousse, me désarçonna et je roulai par terre. Alors le cheval s'arrêta. L'écuyer, se retournant, s'aperçut que je n'étais plus en selle. « Quel coup imprévu » dit-il. « Il est tombé, mon cavalier !» Et il s'empressa autour de moi. Quand je lui eus dit que je n'étais pas blessé, il se mit à rire. « C'est élastique, un corps d'enfant » fit-il. Moi, j'avais envie de pleurer. Je demandais qu'on me remît en selle, on m'y remit, et je ne tombais plus. Deux fois par semaine, nous allions au manège, j'eus bientôt appris à me tenir à cheval dans les règles, et je n'avais plus peur de rien. Le vieux cheval, par Léon Tolstoï. Chez nous vivait un très vieil homme, Pimen Timofeïtch. Il avait 80 ans. Il demeurait sans rien faire chez son petit-fils. Son dos était tout voûté. Il s'aidait d'un bâton pour marcher et traînait péniblement ses pieds. Il n'avait plus une seule dent, son visage était ridé, sa lèvre inférieure pendait. Quand il marchait, quand il parlait, ses lèvres se mettaient à trembler. On ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Nous étions 4 frères, et tous 4 nous aimions à monter à cheval. Mais nous n'avions pas de monture assez douce pour nous. On ne nous laissait qu'un vieux cheval, on l'appelait Voronok. Un jour, notre maman nous permit une promenade et nous courûmes tous à l'écurie avec notre diadéka. Le cocher nous sella Voronok et l'aîné monta le premier. Longtemps il chevaucha, il alla jusqu'à l'air, fit le tour du jardin. Quand il fut près de nous, nous lui criâmes « Eh bien, galope maintenant !» Il se mit à frapper sa bête des pieds et de la cravache et Voronok passa au galop devant nous. Après l'aîné, le cadet. Lui aussi, il chevaucha longtemps. Lui aussi, à coups de cravache, mit au galop Voronok et dévala du coteau à fond de train. Il voulait poursuivre, mais le 3e frère le supplia de descendre. Le 3e frère, comme les autres, alla jusqu'à l'air, fit le tour du jardin, traversa le village et dévala au galop du coteau vers l'écurie. Lorsqu'il fut près de nous, Voronok souffla bruyamment. Son cou et ses épaules étaient noirs de sueur. Quand mon tour arriva, je voulus étonner mes frères et leur montrer mon adresse à monter à cheval. Je me mis à lancer Voronok au grand galop, mais Voronok ne voulait point s'éloigner de l'écurie. Et malgré mes coups, il se refusa à courir. Il avait peur et se retournait à tout moment. Je m'emportais contre lui et le frappais à toute volée de la cravache et des talons. J'essayais de l'atteindre aux endroits les plus sensibles. Je cassais la cravache et, du manche brisé, je me mis à lui cogner la tête. Mais Voronok ne voulait toujours pas galoper. Alors, je me tournai vers le diadéka et le priai de me donner une cravache un peu plus forte. Mais il me répondit « C'est assez chevauché, monsieur. Descendez. Quoi, martyriser ce cheval ?» J'en eus de l'humeur. « Comment, ripostai-je, je n'ai pas chevauché du tout. Vous verrez comme je vais galoper. Donnez-moi, je vous prie, une cravache un peu plus forte. Je saurai bien l'échauffer. » Alors le diadéka, hochant la tête, dit « Ah, monsieur, vous n'avez pas de pitié. Pourquoi l'échauffer ? Il a 20 ans. Ce cheval est accablé de fatigue. Il respire à peine. Il est vieux, il est si vieux. C'est comme Pimen Timofeïtch. Monteriez-vous sur Timofeïtch et le lanceriez-vous au grand galop à coups de cravache ? Est-ce que vous n'auriez pas de pitié ?» Je me souvins de Pimen et j'obéis au diadéka. Je descendis de cheval et quand je le vis, les flancs en nage, respirant péniblement de ses narines et remuant sa courte queue pelée, je compris ce qu'il avait dû souffrir, moi qui le croyais aussi joyeux que moi. J'avais tant de pitié pour Voronok que je lui embrassai son cou tout mouillé de sueur, en lui demandant pardon de l'avoir battu. J'ai bien grandi depuis lors, mais j'ai toujours pitié des chevaux, et quand j'en vois martyrisés, toujours je me souviens de Voronok et de Pimen Timofeïtch. Ici se termine « Comment j'appris à monter à cheval » suivi de « Le vieux cheval » de Léon Tolstoï. Enregistré par Christiane Jehan.